vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Comment ça va ? Le podcast qui prend de tes nouvelles, qui brise un peu la solitude, essaye de te déconfiner et de t'emmener voir et écouter ailleurs. Chez le voisin, la voisine et chez ceux que tu ne connais pas. Nicolas, italien de naissance, citoyen du monde par le cœur, confiné quelque part en Lombardie chez la mamma, nous envoie quelques mots et un petit air. Puoi un attimo dirmi cosa ne pensi per degli amici francesi, se pour des amis français, e cosa ne pensi del fatto che dobbiamo rimanere in casa fino al 16 maggio? Qu'est-ce que tu en penses du fait que il faut rester là jusqu'au 16 mai, on dirait? Guarda, io ti dico quello che ti ho appena detto, che sono già stanca morta di stare in casa e non ne posso più, però... Aspetta che traduco. Du coup, elle dit que déjà, elle n'en peut plus parce qu'on est dans la maison, on est renfermé depuis... Siamo chiusi da un mese. Sì. Depuis un mois, presque. Et, mais... Ma però, piuttosto che vedermi con un respiratore in bocca in ospedale, senza ossigeno, bon, ça, io o uno dei miei familiari, dico che questa vita è meravigliosa, chiusa mais... in casa. Bon. Elle dit que plutôt que, voilà, plutôt que savoir que quelqu'un de nos chers est à l'hôpital, ou plutôt que savoir que, bref, découvrir des risques, c'est bien sûr mieux de rester chez nous, faire du yoga et renfermer, mais libre quand même, d'être en santé, en gros, c'est ce qu'elle a dit. Grazie, mamma. Vous venez d'écouter ma mère parce que je suis confiné à Crema chez elle. Je suis avec elle et mon frère Giorgio. Et nous sommes à Crema, qui est une des villes les plus frappées du nord d'Italie, juste à côté des Milan. Et dans la Lombardie, qui a été la première région à avoir été locked down. Le 10 mars, donc on est presque dans la maison depuis presque... C'est la quatrième semaine, c'est long. Donc voilà, vous venez d'entendre ma mère, elle travaille de chez nous, parce que, bon, vous savez pourquoi. D'habitude, moi j'habite à Milan, mais depuis quand il y a eu le lockdown, je suis venu à Crema pour être un peu avec la famille et pour passer des moments... sûrement précieux pour transformer ces moments dans des moments précieux. Enfin, on transforme un peu la peur dans une occasion pour reprendre des vieilles traditions, des choses qu'on avait un peu oubliées, des rythmes loin. Je n'habitais pas à la maison depuis mes 19 ans. Genre, ça fait 10 ans. C'est chouette. Voilà, on retrouve un peu la quotidienneté, hein, quand on voit les bilans qui paraît aller un peu mieux, en fait non, disons-le, qui va mieux, parce qu'il y a beaucoup d'espoir, on commence à comprendre que la situation va bientôt terminer, et heureusement, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être la vie après, mais désormais, ça fait un mois qu'on vit comme ça, du coup, qui peut... reprend travailler online, smart working, on l'appelle. Bon, bref. Moi, j'ai donné des cours de guitare et je viens de donner un cours à un petit gamin qui s'appelle Timothée, qui vient de me dire que je suis un très bon maître de guitare, du coup, enseignant de guitare. Du coup, si vous voulez prendre des cours, bon, vous savez. Vous savez à qui demander. Et, bref, du coup, voilà, le printemps, Crema, qui revient à être une petite ville de Provence dans les printemps et un peu plus ennuyeuse que d'habitude. Mais bon, on retrouve la quotidienneté perdue en attendant, en fait, une nouvelle ère. Moi, je m'attends vraiment à que ce soit une nouvelle ère, ce qui va venir. Et on ne sait pas ce qui va être l'économie, le monde, la globalisation, mais personnellement, je m'en fous de tout ça. Ce que je sais, c'est que, au moins, ce que j'espère, c'est qu'on va tous avoir appris quelque chose de cette période. On va tous avoir appris qu'il y a un rythme différent qu'il faut apprendre. C'est les rythmes humains. Moi, à Milan, tout comme quand j'habitais à Paris d'ailleurs, j'avais un peu oublié qu'est-ce que ça voulait dire, habiter dans un contexte humain. Et j'ai fait de la médite, je fais beaucoup de médite de ces jours, et bon, je crois qu'au moins le 90% des gens en quarantaine font de la méditation de ces jours, surtout pour ne pas virer taré justement, comme Tiffany. Du coup, oui, pardon, je suis en train d'accorder ma guitare, parce que je voudrais vous chanter une chanson par rapport à tout ça, par rapport au fait de retrouver un rythme humain, ou alors, encore mieux, un rythme spirituel. Et je vous chante une chanson qui s'appelle We Are Souls. Et voilà, je l'ai composée à New York, donc une autre ville où tu ne vois vraiment pas trop le côté humain de la vie. Et bon, j'en profite en fait pour la dédier à cette ville, parce que je sais qu'ils vont passer des moments assez durs. Et bon, j'espère vraiment qu'ils vont bientôt trouver la paix dans toute cette confusion. Fanny, tu vas couper cette partie-là. Je vais réenregistrer encore la chanson. Non, je coupe pas. There's no one else. It might be not easy to draw a smile, but we saw. And we're not supposed to cry. And I've been there, I know the tears as well. I know one day it all come back again, but I just met there's no friend in the mirror. And it's mine. And it's smiling back to me. And don't you worry if you've lost. We're just here to learn. And don't you worry about the past. It's since gone, but it's never gone. And don't you worry about the others. Let the others bother. Worry about you. Open up this door. This very moment is the only thing for sure. Sit down and chill, you got the time to breathe. Nothing else matters, nothing ever will. Imagine there's nothing but those 30 seconds. Tea them all in, tea them all in, tea time all in, tea time all in. And don't you worry if you've lost, we're just to learn. And don't you worry about the past, it's since gone, but it's never gone. Don't you worry about the others, let the others bother, worry about you. You're getting louder as a thing to let it go. Your smile is nice when you believe it's our soul. Life is just easy when you live it, you believe it, you can live it. Your eyes are shining in my eyes, you're so bright. Your breath is deeper when you breathe, if you breathe. No wonder why now you're relaxed, I'm feeling better. No wonder why now you're relaxed, I'm feeling better. Get it lighter as you let it go. Your smile is nicer when yours is a soul. Life is just easy if you can just live it. If you can believe it, you breathe the light and you shine. And you shine. And don't you worry if you've lost, we're just here to learn. And don't you worry about the past, it's in scar, but it's never gone. And don't you worry if you've lost, we're just here to learn. Don't you worry about the past, it's in scorn, but it's never gone. And don't you worry if you've lost, we're just here to learn. And don't you worry about the past, it's in scorn, but it's never gone. And don't you worry if you've lost, we're just here to learn. And don't you worry about the others, let the others bother, worry about you. Oh, let the others bother, worry about you. Un grand bisou à tous et ça va aller tout très bien. Ciao, ciao.